J'écris avec le cœur, l'inspire, un spliff, un pic, le beat s'abîme. C'est la 8 et pique, la mine, on représente la mine. Quand dehors tout est moche, plongé dans nos écrits, mélangeant quotidien, rêve de gosse. Un texte écrit avec le cœur, l'inspire, un spliff, un pic, le beat s'abîme. C'est la 8 et pique, la mine, on représente la mine. Quand dehors tout est moche, plongé dans nos écrits, mélangeant quotidien, rêve de gosse. Et cousin, fallait que je te dise, parfois c'est la merde d'une vie bancale. Faut que je tisse pour oublier que c'est la dèche sur compte bancaire. Toi-même, tu sais comment que ça se passe, ça passe ou ça casse. Rien à foutre, la poisse et de ses crasses. Habitué à un climat exécrable. J'avance sans extra, je shootais au rap. J'exploite la langue française pour essayer de passer bien à l'oral. Une passion comme tant d'autres, un univers où trop doute. Une vie peu douce, dans un monde où pense vôtre. On avance à contresens, l'MC rap à contre-temps. Peu de constance, l'avenir du rap français reste compromettant. Ça raconte que de la merde, la vérité se perd. L'honnêteté pour arriver peine, à force les vrais ne savent plus s'y perdre. Une vie banale, 2008, la misère, vraie panique. Plus j'avance, plus je me rends compte que dans nos villes c'est la panique. Trop de paliers à franchir, en témoin débit. J'écris des rimes, c'est le seul truc qui reste à faire quand ton cœur se déchire. Mon rap n'est pas factique, c'est pas pour faire style. Le bitch l'abîme, un festin oblige quand le quotidien peut te rendre fébrile. Tant de missiles qu'on t'apporte, c'est pour le 5-4 ce qui motive. Y'a du talent ici, tes mains ça frappe à ta porte. Un texte écrit avec le cœur, l'inspire, un spliff, un pic, le beat s'abîme. C'est la 8 et pique, la mine, on représente la mine. Quand dehors tout est moche, plongé dans nos écrits, mélangeant quotidien et rêve de gosse. Un texte écrit avec le cœur, l'inspire, un spliff, un pic, le beat s'abîme. C'est la 8 et pique, la mine, on représente la mine. Quand dehors tout est moche, plongé dans nos écrits, mélangeant quotidien et rêve de gosse. Ma mine, le bitume et les murs, tout est gris. Comme les chats la nuit ou ce texte que j'écris pour décrire ce court instant, quand s'arrête le temps, à mi-chemin entre le noir et le blanc. Le ciel reflète la rue, les grisâtres. Le résultat d'un mélange de goudron et de plâtre. Le cœur, tel un caméléon, prend la couleur. Refuse de s'ouvrir et de croire, mais finit par souffrir et se cloître. Alors je cultive un jardin de rimes, parsemé de graines de chacun de rire, plein de sincérité que chacun devine. Je veux pas ton percher, que le berger vienne me chercher.